voilà la carte du monde. La Terre est ronde. Cette carte est comme son écorce qu'on aurait mise à plat. Quatrième épisode d'Illustre Voyageuse. Notre corps a des règles de vie. Et la Maillard. Si vous êtes né en Europe, à base de blé, de fruits, de légumes innombrables, et que vous êtes pendant 5 ans dans le sud de l'Inde à manger du riz 3 fois par jour, pour finir, ça ne vous convient pas. Nous sommes quand même esclaves de cette carcasse humaine. Eh bien, je crois que le fait de rester en Inde m'aurait rendu très, très, très en mauvaise santé. J'aurais perdu des forces et je suis rentrée dans mon pays d'origine. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Illustre voyageuse, Ella Maillard. Pragmatique voyageuse. Révélée au grand public par Étonnant Voyageur, le festival de Saint-Malo. On parlera tout à l'heure d'elle, qui appartient au meilleur du XXe siècle, mais évidemment, on va remonter un peu plus avant dans l'histoire, en compagnie d'Hélène Blais. Bonjour. Bonjour. Alors, depuis lundi, nous parlons de ce volume collectif, 92 articles, quelques 80 contributeurs, 4 coordonnateurs, dont vous, Hélène Blais. On sait les principes de ce livre, « Faire de l'histoire à part égale », redonner de l'initiative aux autres mondes qu'européens. Et vous, vous avez essayé de suivre une ligne, je ne dis pas continue parce qu'elle est parfois interrompue, une ligne un peu invisible, celle de l'exploration et du voyage par des femmes. Oui, tout à fait. Alors, parmi les invisibles du grand récit de l'histoire des découvertes, il y a effectivement les femmes. Elles sont rares, on ne les voit pas tout de suite, pas forcément, mais on en a et on a cherché aussi à leur donner une place dans ce livre. Et certaines sont des savantes. Alors, oui, si beaucoup. On commence au XVIIe siècle par une néerlandaise. Oui, alors vous pensez à Maria Sibylla Merianne, qui en 1699, alors qu'elle est déjà âgée pour l'époque, 50 ans, va partir seule, abandonnant son mari, au Suriname, pour aller étudier les insectes qui la passionnent depuis plusieurs années. Alors voilà une femme qui appartient à un milieu cultivé, imprimeur, cartographe. Oui, tout à fait. Alors, le texte de Vincent Demont dans le livre rappelle bien que elle est née dans un milieu d'imprimeur graveur spécialisé dans les voyages. Donc, elle a un père, un frère qui voyagent beaucoup eux-mêmes en Europe. Et elle, comme certaines femmes de son époque, se cantonne à la broderie et à la gouache. Mais au moment où elle va partir, elle est déjà connue pour ses aquarelles de fleurs. Et donc, c'est à partir de cet intérêt pour la peinture qu'elle va développer sa passion d'entomologiste. Père, frère, mais elle a un mari ? Alors, elle a un mari, oui, mais on sait qu'elle a eu un mari, puis qu'elle l'a laissé sur place quand elle est partie au Suriname. On n'en sait pas beaucoup plus. On parlera d'Ella Maillard, elle plaisantait souvent. Est-ce que vous voyez dans les guides de voyage, parmi les objets absolument indispensables à emporter, le mari ? Voilà. Eh ben non, disait Ella Maillard. Et si elle s'était proclamée veuve, et si elle avait pris son indépendance, c'était dans le cadre d'une petite église protestante où elle s'était installée un peu comme une béguine en Flandre. Voilà, mais c'est sans doute, c'était pour elle un moyen d'avoir une liberté qu'elle n'aurait pas eue en restant directement dans la maison familiale. Mais c'est peut-être aussi Hélène Blais, parce qu'elle considérait que les petites bêtes qu'elle explorait, qu'elle inventoriait, c'était les meilleurs témoins de la création du bon Dieu. Alors sans doute qu'il y avait une dimension spirituelle importante dans sa recherche, mais c'est pas celle qui apparaît la plus manifeste dans ses écrits, où elle raconte cette histoire de la métamorphose des insectes au Suriname, notamment à partir de l'observation de la chenille et des papillons. Et les insectes se transforment pour la plus grande gloire de Dieu. Voilà, je ne sais pas si c'est pour la plus grande gloire de Dieu, mais elle est une des premières à comprendre d'où viennent les papillons. Alors, la femme dont nous allons parler est allée beaucoup plus loin que le Suriname, la Guyane hollandaise. Elle était d'un milieu moins cultivé, mais elle aussi était naturaliste, entomologiste. Elle s'appelait Jeanne Barret, c'était la gouvernante d'un savant. Oui, alors... On est maintenant au 18e, dans la deuxième moitié du 18e. Tout à fait. Hein, et donc là, c'est le moment où vont se mettre en place ces grands voyages autour du monde. Bougainville, puis Cook, la Pérouse, etc. Jeanne Barret, c'est la domestique de Philibert Commerson, qui est le naturaliste employé par Bougainville lors de son premier tour du monde à la voile. Oui, mais alors, vous dites elle embarque comme si c'était naturel... Et facile, il est interdit sur les navires de Sa Majesté d'avoir à bord des femmes, et ça suppose, pour s'y installer, que Jeanne Barret devienne Jean Barret, qu'elle se travestisse, dialogue avec Monsieur Commerson, son amant. Comment vas-tu faire? C'est impossible. Regarde, j'ai bandé ma poitrine, on ne voit plus rien. Et puis je suis forte, tu le sais, je peux travailler comme un homme. Si je suis découverte, je dirais que tu ne me connaissais pas, que c'est moi qui t'ai trompée, que tu ne savais rien. Oui, mais il faudra que tu ailles dormir dans le gaillard d'arrière avec les hommes d'équipage. Et comment te laveras-tu? J'y ai pensé. Tu diras que tu as le mal de mer et qu'il te faut ton valet pendant la nuit. On s'habituera. Les marins de Bougainville ont eu des soupçons pendant un an, en gros. Jusqu'à arriver à Tahiti, ils trouvaient qu'elle avait une certaine ambiguïté, une structure assez curieuse, etc. Et puis surtout, elle prenait des précautions. Ne pas uriner devant les hommes d'équipage, par exemple. Mais ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est qu'elle nous révèle effectivement ce que l'on peut déjà pressentir dans la littérature romanesque et théâtrale, c'est que la perception même du corps sexuée n'est sans doute pas la même à l'époque moderne et aujourd'hui. Et ce que nous révèle cette affaire, comme bien d'autres, c'est que finalement il n'est pas si évident que la perception du corps soit une perception naturelle. Après un extrait de l'émission bien connue sur France Inter de Stéphanie Duncan, le commentaire de Sylvie Stenberg. Ça s'est passé de comment d'ailleurs ce travestissement et l'aboutissement de ce travestissement? Alors, Jeanne Barret, elle est enregistrée comme Jean Barret sur le rôle d'équipage. Hein, et donc, effectivement, c'est dans la clandestinité la plus totale qu'elle embarque. Ensuite, et Guillaume Calafa le raconte très bien dans le texte du livre dont nous parlons, il y a plusieurs interprétations en fonction des journaux de bord qui laissent quand même entendre que personne n'est vraiment dupe. Hein, au bout de quelques mois, on sait qu'il y a une femme à bord. Elle est même agressée par des matelots. Hein, les violences sexuelles n'étaient pas rares lors de ces voyages de grande navigation. Vous voulez dire qu'elle a été la victime des matelots avant de l'aide des indigènes? Voilà, sans doute. Et celui qui raconte la découverte de son identité à Tahiti, c'est Bougainville, peut-être notamment pour camoufler ses premières attaques, hein, qu'elle a subies au cours du voyage. Mais constamment, quand on verra apparaître dans votre ouvrage l'exploration du monde des personnages de femmes, on verra la difficulté qu'elles ont, même au XXe siècle, à s'embarquer. Et pas seulement dans des expéditions maritimes, tout aussi bien dans des expéditions terrestres. Ben bien sûr, hein, André Citroën refusera à Ella Maillard de participer à la croisière jaune sous prétexte qu'il n'a pas prévu que des femmes puissent s'y adjoindre. Le commandant Charcot interdira le pourquoi pas qui part pour l'Arctique à Odette Dupuy-Godeau qui du coup partira pour le Maroc. Alors dites-moi, Jeanne Barret, continuons à suivre son parcours. Nous sommes maintenant en 1768. Alors pour résoudre le problème, après que Bougainville a poursuivi ses pérégrinations, on débarque à l'île de France, l'actuelle île Maurice, Commerson et Jeanne Barret. Et À l'île Maurice, vous qui êtes spécialiste des jardins botaniques coloniaux, il en est un splendide. Il en est un qui est tout juste en train de se former, hein, grâce à Pierre Poivre qui travaille à ce moment-là. Et donc, qui s'appelle les Pamplemousses. Hein, le lieu dit s'appelle déjà les Pamplemousses, donc ça deviendra le jardin des Pamplemousses qui participe aussi à tout l'imaginaire autour de ce lieu. Alors il y a le pamplemousse, mais il y a le kiwi aussi. Voici toujours un extrait de l'émission de Stéphanie Duncan, un dialogue entre commerçants qui commencent à vieillir et Jeanne qui est de plus en plus compétente dans l'identification. 6 ans que nous avons quitté la France. 5000 espèces de plantes récoltées, dont 3000 nouvelles. Et beaucoup de fatigue. Il est temps de rentrer, je le crains. Philibert est à bout. Mais comment payer le passage en bateau? Il va falloir écrire à la Lande pour mendier le prix du retour. Et si l'argent tarde trop... Philibert avait raison. Ce tour du monde pourrait bien lui coûter la vie. Jeanne! Jeanne! Regarde, Jeanne. Encore un terminé. En quoi? Un spécimen. Je viens de lui donner son nom. Regarde. Regarde, c'est pour toi. Barretia Quivia. Barretia? C'est moi, ça? Oui. Le kiwi de Jeanne Barret. Ça lui va bien, non? Oui, pourquoi? Eh bien, d'abord, le kiwi est un arbrisseau charmant que j'ai trouvé dans l'île Bourbon. Et puis, figure-toi qu'il est hétérophile. Il change d'aspect selon son âge. Au début, ses feuilles sont tout ondulées comme une jeune fille en robe de bal. Et puis, elles se transforment. Elles deviennent lisses, en un ovale tout simple, sans fioritures, en vrai garçon. Alors, j'ai pensé à toi tout naturellement. Barretia, Quivia, on les connaît plus tous les deux pour l'identification des bougainvillées. Oui, en effet. Alors, vous insistiez sur les compétences de Jeanne Barret, hein, et elle est devenue naturaliste, alors qu'on se demande même comment elle a appris à écrire. Hein. Ses biographes ne sont pas tous d'accord. Elle venait d'un milieu extrêmement populaire, et elle va acquérir des compétences exceptionnelles. Elle aide Commerson, mais elle collabore vraiment avec lui, et donc à Rio, ils herborisent ensemble. C'est elle qui porte d'ailleurs les boîtes et les paquets, parce qu'il souffre de la jambe. Il l'appelle sa bête de fardeau, hein, dans son journal de bord. Et elle va donc participer à cette découverte du bougainvillier qu'il nomme en l'honneur du chef de l'expédition. Mais vous aimez associer les femmes à ce moment de l'exploration où il n'y a pas encore réellement colonisation et où on est dans l'héritage des Lumières qui poussent à faire les inventaires. Alors, il y a eu aussi des femmes au moment de la colonisation, hein, exploratrices et colonisatrices, bien évidemment. Bon, vous avez entendu Philibert Commerson qui commence à tousser. Il va finir par mourir et il va laisser Jeanne Barret seule, démunie. Il paraît même qu'elle ouvre une auberge. Elle est obligée d'épouser un officier infirme et elle rentre en France. Alors, ils finissent par rentrer en France au le bout nouvel de époux, le, avec le son nouveau nouvel compagnon. Son nouvel époux au bout de 7 ou 8 ans, et elle va quand même obtenir, sur l'insistance de Bougainville, de Louis XVI, une petite pension pour qui reconnaît ses qualités de naturaliste et qui lui permettra de finir sa vie très modestement, hein, mais d'être rentré en France. Avec le souvenir des 32 caisses de documentation qu'est la rapportée des îles. C'est vous qui êtes responsable de la programmation musicale, Hélène Blais? Ah bon? C'est vous qui avez choisi Jeanne Moreau. Oui, où il est question d'îles. Ben voilà. Notre île, ton île. Ceux qui, comme nous, cherchent encore le paradis, brisant d'écume grands oiseaux fous, cette île est belle, tu me l'as dit, marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Dernier épisode aujourd'hui autour de l'exploration du monde qui sort en librairie aux éditions du Seuil. Hélène Blais appartient à l'équipe de coordination de ce collectif. Et nous avons choisi ensemble, pas seulement la musique, mais le titre d'illustre voyageuse. Alors ça, c'est le titre d'un livre qui date de 1866. Il y avait déjà de quoi composer en 1866 une galerie d'illustres voyageuses. Oui, tout à fait. Hein. Eugène de Cortambert, qui est un géographe, membre de la Société de géographie, va leur consacrer un ouvrage, une compilation qui est en fait le reflet d'un fait social très marquant au XIXe siècle, c'est l'essor soudain du nombre de femmes qui prennent la route, prennent la mer, pour aller découvrir le monde. Alors, au départ, ce sont surtout des aristocrates, hein, beaucoup d'anglaises en particulier. Et puis, petit à petit, le voyage se démocratise. Alors, il y a plusieurs éléments de contexte, hein, le contexte colonial qui favorise la mobilité des européennes comme femmes de colons, comme infirmières, comme institutrices, et l'essor du tourisme, bien sûr, qui va permettre ce qui est très souvent vécu comme une émancipation et qui reste relativement transgressif malgré tout. On a laissé notre personnage précédent dans la dépendance financière. Vous parlez d'une Anglaise, Mary Kingsley, qui joue un rôle du côté du Cameroun, du Congo. Et elle vole de ses propres ailes au bout d'un moment parce qu'elle finance ses voyages par le succès de ses livres. Voilà, tout à fait. Hein. Les voyageuses qui parviennent à acquérir une célébrité, c'est le cas de Mary Kingsley, comme le raconte Anne Hugon, qui, parce qu'elle va en Afrique, dans des lieux qui sont peu fréquentés par les Européens, va susciter une grande curiosité, même des sociétés, des clubs londoniens très fermés aux femmes habituellement, et parvenir à vendre ses articles, ses conférences, donc à vivre de son expérience. Dernier personnage qu'on entendait en exergue de l'émission, Ella Maillard, qui vole aussi de ses propres ailes et qui va obtenir l'indépendance financière par la publication de ses articles et de ses textes. C'est une femme qui, dans les années 40, a publié un livre sur sa jeunesse de navigatrice. C'est une Suisse. Et c'est une Suisse qui a une expérience du bateau par le lac Léman, par exemple, oui, qui connaît beaucoup de tempêtes. Oui, exactement, hein, et sur lequel elle s'est beaucoup entraînée très jeune. Donc Ella Maillard était une grande sportive, passionnée de ski, championne de voile, championne créatrice du premier club de hockey sur terre en Suisse. Elle a fait ses premiers exploits avec Hermine de Saussure, hein, qui possédait un voilier et sur lequel elle sont parties, elles ont traversé la Corse, quatre jeunes filles, dans les années 20, donc on a là vraiment un nouvel élan, hein, du voyage sportif. Et on disait tout à l'heure qu'elle a voulu participer à la croisière jaune de Citroën, puisqu'elle a été récusée, elle a décidé d'aller en Asie et en Chine par d'autres moyens, et accompagnée de Fleming, pas le Fleming de James Bond, le frère du Fleming de James Bond, hein, c'est ça ? Exactement, donc ouais. Peter Fleming est le frère de Ian Fleming, et Ian s'est inspiré notamment du personnage de son frère pour créer son héros. C'était une affaire d'aller en Chine, secouée par le temps des seigneurs de la guerre et les mœurs révolutionnaires. On entendra dans un instant Catherine Comin. Ils avaient besoin tous les deux de rentrer à Paris pour des raisons matérielles. Lui parce qu'il voulait faire l'ouverture de la chasse et elle parce que c'est... très important pour un Anglais. Hyper important pour lui. Et donc, à l'époque, il faut replacer ça dans le contexte. La Chine était en ébullition, il y avait la guerre civile partout. Et pour eux, le seul moyen de rentrer... par voie terrestre, et c'était un de leurs vieux fantasmes à tous les deux. Ils s'étaient rencontrés à Londres, ils avaient bien déliré là-dessus quand ils s'étaient rencontrés. Ils avaient envie de traverser l'Asie par voie terrestre. Et là, vu la période troublée, extraordinaire dans laquelle ils étaient, le seul moyen d'arriver à passer, c'était de passer par le bord sud du Taklamakan, du désert, là où il n'y avait personne, pour rejoindre l'Inde. Peter voulait passer au nord. Et puis finalement, par un concours de circonstances, des gens qu'ils ont rencontrés, etc. Et là, elle lui a dit, écoute, moi, je pars par le sud. Si tu veux venir avec moi, tu viens. Et puis en même temps, elle s'est dit, ça serait bien qu'il vienne parce qu'il parle chinois. Il est beaucoup plus diplomate qu'elle. Hein. Il s'est fait des cartes de visite avec tous ses titres universitaires, les journaux pour qui il est correspondant. Et c'est très important pour les autorités chinoises. Après, lui, il était diplomate, il savait parler aux autorités. Bon, c'était quelqu'un de petit mais très imposant par son maintien britannique. Et elle, au contraire, avait un très bon contact avec les peuples simples, les chameliers. Donc, ils faisaient un bon team, tous les deux. Et qu'ils aient une petite idylle par-dessus le marché, pourquoi pas. Hypothèse émise dans l'échappée belle de Marie-Hélène Fraissé. Ah, ça c'est intéressant, le comportement du monsieur et le comportement de la dame sont différenciés sexuellement. Alors, monsieur veut aller à la chasse, il veut revenir vite pour l'ouverture de la chasse. Oui. Alors, bon, on pourrait évoquer des récits de chasse féminine. Hein. Au Kenya, il y a des exploratrices qui partent aussi pour chasser. Mais là, en l'occurrence, on a deux personnages qui partent ensemble parce que ça les arrange l'un et l'autre. Ils sont tous les deux journalistes payés par des journaux. Hein. Ella Maillard a un contrat du Petit Parisien. Et ils vont s'associer le temps d'un voyage. Hein. Je ne suis pas sûre qu'il y ait eu idylle. Hein. Et là, Maillard disait que c'était complètement impossible de devenir amoureuse de ce personnage, de toute façon. Mais ils s'entendent bien, ils se complètent bien. Simplement, c'est après le voyage qu'on voit cette différence, hein, puisqu'ils vont chacun raconter leur exploration de manière assez différente, on va dire. Et dans quel ordre, l'homme d'abord ? Alors, l'homme d'abord, bien sûr. Hein, Peter Fleming publie dès l'année qui suit le retour, son récit de ce voyage en Tartarie. Elle lui fait remarquer qu'il parle très peu d'elle et il lui répond qu'il a fait exprès comme ça, le jour où elle écrira, elle aura son propre succès. Ça s'appelle la galanterie. Voilà, sans doute. Il ne pensait peut-être pas avoir raison à ce point, puisque c'est son récit à elle, hein, Oasis interdite, qui va connaître un très très grand succès, et dans lequel elle évoque ses différences et en opposant l'envie qu'il a de revenir vite chasser en Angleterre et elle, le besoin qu'elle aurait de voyager à un autre rythme et de prendre le temps. Alors il y a aussi l'hypothèse du voyage une femme plus une femme, que plus d'une fois va tenter Ella Maillard et une équipée en compagnie d'une riche Suisse, d'une famille très fermée, même d'extrême droite de la Confédération. Ce voyage, il est très connu maintenant. Ella et Anne-Marie Schwarzenbach. Oui, alors il est connu parce qu'Ella Maillard l'a raconté de manière très belle dans son récit La Voix Cruelle. Ce sont deux femmes qui partent à la fin des années 30, hein, dans une Europe qui commence à sentir la guerre venir et qui vont, avec leur fort de thé, arriver jusqu'à Kaboul pour essayer de fuir le plus loin possible. Et de fuir aussi l'addiction d'Anne-Marie Schwarzenbach. Voilà, l'idée d'Ella Maillard, alors là, pour le coup, il y a une histoire d'amour hein, entre ces deux femmes. L'idée d'Ella Maillard, c'est de parvenir à sortir Anne-Marie Schwarzenbach de son addiction à la morphine. Il y a une recherche spirituelle chez Ella Maillard aussi, parce qu'elle ne rentre pas, la guerre venue, elle reste en Inde, où elle va rencontrer des maîtres spirituels. Oui, alors avec le temps, sans doute, hein, aussi, la recherche d'une autre façon de vivre dans le monde hein, se confirme, et elle passera toute sa guerre dans des ashrams en Inde, avec son chat. Alors je le précise, puisque c'est le titre du récit qu'elle en a fait, même de retour en Suisse après la guerre, elle gardera hein, ce besoin de méditation et de spiritualité qu'elle est allée chercher très loin. On peut vivre dans la pénurie et le bonheur, il faut vivre là où les gens vivent. Vous parlez de la Suisse, alors elle s'établit dans un chalet qu'elle fait construire en 1948 au bout d'un chemin à peine carrossable. Néanmoins, beaucoup de pèlerins viennent à pied lui rendre visite. Elle les aime bien, mais enfin, elle a fait en sorte que dans la cuisine, il n'y ait pas de table pour qu'ils ne restent pas trop longtemps, enfin, qu'ils ne soient pas tentés de s'établir. Parce que, avec l'âge, quand même, il faut faire sa place à la retraite. Un entretien avec William Carell. C'est un très grand bonheur pour moi d'être ici, parce que je déteste les villes. Je suis revenue des Indes en 45. Fallait que je trouve un endroit un peu sauvage. Je me suis fixée dans ce village où il n'y avait pas de route. On venait à pied à travers la forêt. La vue est tellement splendide que j'ai eu le coup de foudre pour Chandolin. Et à 86 ans, mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux qu'une retraite? C'est pas prématuré. J'ai mené la vie que je voulais pour finir. J'avais comme raisonnement que si, comme mère de famille, je ne pouvais pas répondre aux questions de mes enfants et que mes parents n'ont pas répondu à mes questions, je n'étais pas digne d'être mère. Il fallait que je puisse répondre aux questions fondamentales. D'où venons-nous? Que faisons-nous ici-bas? Où allons-nous? Eh bien, c'était la base de ma vie. Il fallait savoir pourquoi on vit. Alors, bon, j'ai pas eu d'enfant, je vous dis, je crois pas que, étant très égoïste, que j'aurais été une bonne mère de famille. Et puis pour faire une famille, il faut être deux. Et si je trouvais pas un compagnon qui avait les mêmes idées que moi, c'était pas la peine de se bagarrer. Avec quelqu'un qui avait pas le même but ici-bas. Vous êtes bien marié? Vous êtes content? Question à l'envoyeur. Alors on imagine le succès que dans les années 1980, quand le grand public français l'a découverte, Ella Maillard a eu. C'était notamment par le biais d'étonnants voyageurs. On parlait des illustres voyageuses. C'est une étonnante voyageuse de Saint-Malo avec Bouvier, avec Anita Conti, etc. Oui, tout à fait. Et puis peut-être qu'on peut juste ajouter qu'elle a été photographe aussi et qu'elle a fait énormément de photos qui sont visibles, qu'elle a déposées dans un musée en Suisse et qui peuvent être une source pour les historiens encore aujourd'hui. Mais avec elle, parce qu'il faut qu'on en finisse, hélas. Hélène Blais, une page se tourne, expliquez-vous. Pourquoi, comment? Alors, pourquoi, comment, je ne sais pas. Une page se tourne dans le sens où on peut imaginer que le voyage au féminin devient moins exceptionnel, moins transgressif, moins difficile à mettre en œuvre, même si, comme elle le remarque avec beaucoup d'ironie, dans les années 80 encore, hein, la question des enfants, de la maternité, etc., est quelque chose que l'on continue à renvoyer aux voyageuses et qu'on pose quand même beaucoup plus rarement aux voyageurs. Oui, mais vous parlez d'ironie. Peter Fleny était réputé pour son style très distant, à la Evelyn Waugh un peu. Mais les voyageuses sont capables de distance et d'ironie, elles aussi. Ah ben bien sûr, hein, lisez Mary Kingsley, lisez Ella Maillard, l'humour, pour le coup, n'est pas genré. Simplement, la démythification, elle est attendue peut-être maintenant par les lecteurs qui eux-mêmes voyagent. Oui, peut-être. Mais elles emportaient quand même souvent, ces voyageuses, une tasse de thé qu'elles préparaient cérémonieusement pendant leur déplacement. Bien sûr. Alors, c'était le dernier épisode, Fabrice Drouel, bonjour. C'était le dernier épisode consacré à l'exploration du monde. Publication donc aux éditions du Seuil. Maxime Ingrand à la technique, Audrey Ripouille à la réalisation. Franck Oliva, Frédéric Martin, Linka Negulesco pour la préparation. Et maintenant, un étrangleur. Oui, l'étrangleur Guyot. Ça remonte. Vous allez me dire qu'il étrangle des femmes, peut-être? Oui, trois. Ça remonte à 1926. Bien sûr, nous allons vous raconter l'histoire, puisque nous sommes là pour ça, Affaires Sensibles. Mais on s'intéressera à la façon dont la presse s'est emparée du fait divers, comme un territoire naturel. On verra avec Dominique Khalifa, notre invité, que vous connaissez bien, je crois. Bah oui, qui est un historien bien connu. Forcément. Des mœurs, et des mœurs sensibles.